Nouvelle troisième, le mari avare ou la répartie. Un seigneur catalan, nommé Diego de la Rata, grand maréchal des armées de Robert, roi de Naples, vint visiter Florence lorsque le sage et vertueux messire Antoine d'Orso en était encore évêque. Comme ce seigneur était aussi galant que bel homme, sa principale occupation pendant son séjour dans notre bonne ville était de faire sa cour aux dames. Il devint amoureux, entre autres, d'une nièce du frère de l'évêque, qui y passait pour une beauté rare. Le mari de cette belle dame, quoique riche et de naissance, avait des sentiments fort bas et un très vilain caractère. Son vice dominant était une avarice sordide. Le maréchal, qui connaissait le personnage, tant par la voie publique que d'après ses propres observations, ne fit pas de difficulté de lui offrir 500 ducats pour qu'il le laissât coucher une nuit avec sa femme, que notre avare tenait de court. La proposition ayant été acceptée sans beaucoup de cérémonie, le rusé catalan, qui voulait punir le mari de sa lâcheté, fit dorer des pièces de monnaie connues sous le nom de popolins, qui avaient alors cours dans la Toscane. Et après avoir passé la nuit avec la belle, qui ne fut sans doute point consultée, et qui dut le prendre pour son mari, il remit à celui-ci les prétendus ducats dont il avait pris soin de se munir. J'ignore si le catalan indiscret se vanta de sa bonne fortune, ou si le mari, en se plaignant de la tromperie, fit connaître lui-même sa turpitude. Ce qui est certain, c'est que l'aventure fut sue de toute la ville et que les plaisants en rirent beaucoup. L'évêque, en homme sage, fit semblant de ne rien savoir. Il reçut le catalan à son ordinaire, et ils étaient souvent ensemble. Un jour de Saint-Jean, qu'ils se promenaient tous deux à cheval par la ville, ils s'arrêtèrent dans la rue où l'on faisait les courses. Ils s'approchent d'un groupe de dames qui s'amusaient à voir les coureurs et se trouvent à côté d'une jeune et belle femme nouvellement mariée que vous pouvez avoir tous connue et que la peste vient de nous enlever. C'était Madame Nonnet de Pulcy, cousine de Messire Alesso Rinucci, logée près de la porte Saint-Pierre. Cette dame, outre la jeunesse et la beauté, avait beaucoup d'esprit et parlait avec autant de grâce que de facilité. L'évêque, qui la connaissait un peu, la fit voir au grand maréchal. Un moment après, le prélat, oubliant sa prudence ordinaire, adresse la parole à cette dame et frappant sur l'épaule du catalan. « Que dites-vous de ce cavalier, Madame Nonnet? Pourriez-vous bien en faire la conquête ?» La belle, croyant que ces paroles attaquaient son honneur, et jugeant qu'elle ne pouvait que donner des impressions désavantageuses sur son compte à ceux qui les avaient entendues, répondit promptement, et sans chercher à se justifier, « Peut-être aussi, monseigneur, aurait-il de la peine à faire la mienne. En tout cas, je puis vous assurer que si je me laissais vaincre, ce ne sera pas pour de la fausse monnaie. » Le prélat et le catalan, tous deux piqués au vif de cette répartie, l'un pour s'être conduit si peu honnêtement à l'égard d'une femme honnête, l'autre comme parent ou allié du mari avare et scrupuleux, se retirèrent tout confus, sans oser rien répliquer.